Bonjour à tous et bienvenue à ce quatrième épisode du Ciné-Club de mortdujeu.com. Cette semaine, La nuit la plus longue de Robert Rodriguez sera à l'honneur, Gracieuseté de Das. Comme vous avez pu le remarquer, nous avons sauté l'épisode 3 puisque l'enregistrement a été corrompu. Seule la voix a été enregistrée. Je m'excuse pour ce malheureux incident. Kim aura le droit de se venger en choisissant son prochain film. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Buddy, be cool. You, be cool. Moi, je bois un cappuccino glacé. Ah, c'est bon ça. Quelle surprise! Ça faisait longtemps. 3 jours. Peut-être. Ah, Mais c'est ma mère qui m'a acheté mon dernier. C'était samedi. hey, Ça fait longtemps! quand même, hein? Hey. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé du film? On va commencer par Das, c'est Das qui l'a Tu faisais pas choisi. l'intro avant? Ah non, je fais l'intro. Je pense que c'est pas pire faire l'intro comme j'enregistre avant, puis que je me prépare comme un petit texte. Là. Comme ça, comme la dernière fois, j'ai fait un intro, j'ai pris comme 10 fois là, à juste à dire comme 6, à dire 3-4 phrases, tu sais. Dit que. Moi, je vais faire l'intro. Mais l'intro, tu utilises comme faire un résumé du film, là. Non, Ah, ok. genre C'est comme au début. allô Ah, tout le monde. regarde ça. C'est correct. Enfin, je le fais après. T'es sûr que tu as commencé par moi vu que c'est moi qui l'ai choisi? Ben, tout le temps, il commence toujours par la personne que je Ah choisis. ouais. Ah, mais parce que moi, c'est sûr que je suis pas impartial. Si j'ai choisi ce film-là, c'est Ah parce non, mais faut ce que vous te dites, par exemple, pourquoi tu l'as choisi. Ah, écoute, moi, ça me rappelle des beaux souvenirs. C'est, tu sais, comme Kim avait choisi son film, dans le fond, qu'on ne fera jamais. Qu'il y a Tu le trouves pas que podcast, ça on n'aura coupe, c'est jamais. quoi? Ouais, c'est vrai que ça a coupé un peu, là. Ça coupe? Oui! Mais, ouais, c'est. Oh, Ouais. ouais. Ok, attends une minute pour vous autres, je vais juste monter d'abord la santé. C'est de la. La sang... Là, c'est ça qu'on a compris. Puis je vais augmenter la sensibilité. Allô, est-ce que ça coupe plus, ça coupe-tu moins? Vous Là, m'entendez bien? c'est correct, là. Ok, c'est bon. Ouais. Fait dans le fond, ouais, moi j'ai choisi, c'est parce que l'autre fois quand je regardais dans ma collection de films, j'ai remarqué, j'ai fait, ah oh oui, ce film-là, je l'ai en cassette, en DVD, en Blu-ray, j'avais fou l'aimé. Comme Kim, elle avait pris un film, Le Dernier Coup, qu'on n'écoutera jamais. Ben, dans le fond, on l'a écouté, mais je veux dire, on n'aura L'écoutez jamais le plus. podcast de ça. Mais dans le fond, j'avais des bons souvenirs de ça. Je me souviens que mon père avait loué le film. Puis que c'était dans la section action, puis je me souviens encore du cover du VHS, c'était George Clooney qui a un gun, puis ça fait vraiment action. Puis comme je vous avais dit, dans les coups et tout, tu sais, regardez pas les trailers pour pas vous spoiler ce qui arrive. Puis quand que ça tourne un peu, ça tourne en film d'horreur carrément, ça passe de l'action à horreur, mon père en fait, je me souviens qu'il était fâché puis parti se coucher, puis moi j'étais là, waouh, j'étais content d'être surpris, je m'attendais pas à ça, puis. Je trouve que l'humour est bien fait, les petites affaires cachées, les petits messages subtils, chaque personne et tout, chaque acteur joue bien le rôle de ce qu'ils sont supposés de jouer. Moi, je trouve, en tout cas, moi, je trouve que c'est un très, très, très bon film. C'était quand la Surtout que dernière fois que tu l'avais écouté le film depuis que tu l'avais écouté? ça fait vraiment longtemps, je m'en souvenais pas. C'est honnêtement, tu sais, j'ai comme catché des affaires que. À chaque fois que je l'écoute, je revois des affaires ou je comprends des affaires que j'avais pas catché ou je vois des affaires, je fais ah oui! Surtout depuis ce temps-là, j'ai écouté d'autres films de Tarantino puis Rodriguez, puis je fais ah, oh, cet acteur-là, t'es là, t'es là, t'es là. Ah, oh, ce placement de produit-là, ça vient de là. Tu sais, comme Manny il va chercher des hamburgers, mais c'est les mêmes sortes d'hamburgers que dans Pulp Fiction. Ah, ça je savais pas. Puis dans Kill Bill, je pense. Tu sais, il y avait comme. J'ai remarqué tout quel acteur qui était tout dans Reservoir Dogs, qui a déjà joué pour Tarantino ou pour Rodriguez. Donc, c'est quand même deux mondes que j'aime bien. Puis deux personnes qui s'entendent bien, qui sont mis ensemble pour faire un film. C'est comme un mélange des deux, puis je trouve que c'est super bien fait. Ils devraient refaire ça plus souvent, honnêtement. Il faudrait qu'ils le refassent parce que moi, je trouve que c'est un beau mix d'action, humour, horreur, violence. Ouais. Mais c'est vrai que J'ai le vraiment aimé ça. film, c'est vraiment comme deux. Pas deux films différents, mais c'est comme à partir de ça, à partir d'un bout, dès qu'après la. Je sais pas comment ça s'appelle, il y avait-tu un nom, après la danse de la fille, après, elle a fait boire la boisson à partir de sa jambe, elle a fait couler, puis l'autre il boit, genre. Ouais. Ben, ça, tantôt, pendant le fond, que après, j'ai checké, après j'ai checké le film, puis je vous attendais pour commencer le podcast, j'ai regardé une couple d'affaires sur le film, puis j'ai appris que Rodriguez, il a dit, parce que dans le fond, Tarantino, il a participé, mais c'est pas lui qui a fait la direction, il aimait mieux jouer son rôle, puis aider, puis c'est vraiment Robert Rodriguez qui a plus fait la direction, qui était le directeur du film, dans le fond. Puis c'est Rodriguez qui a dit à Salma Hayek, fais ce que tu veux, écoute la musique, puis suis le mood. Fait que Salma Hayek, sa partie de danse, elle a tout improvisé. Ah, oh, OK. Fait qu'il n'y a pas de nom. Puis il paraît que Rodriguez a fait la même affaire pour Jessica Alba dans Sin City. Il aurait dit à Jessica Alba, danse comme, écoute la toune, puis go with the flow. Ah, oh, OK. C'est bon. Mais non, moi, en tout cas, moi, j'ai aimé le film. J'ai plus aimé ce film-là que celui que tu as choisi, là, Toxic Avenger. Là. Mais c'est pas le. C'est deux films d'horreur, mais c'est pas la même chose. Non, non, c'est pas horreur, ni l'un ni l'autre. Non, ouais, c'est ça, ça fait pas peur. Là, c'est, Non. Ben, c'est un film de vampire. Dans quoi tu classes ça? On peut pas, ça fait ça pas peur, c'est fantasy. Ben, ça fait pas peur. Horreur veut pas dire faire peur. Horreur, c'est quand que. Pour moi, horreur, ça veut dire faire peur. Ça fait pas peur, c'est pas horreur. C'est comme les Godzilla. Le Godzilla, ça fait pas peur non plus. Là. Mais c'est un film d'horreur, entre guillemets. Ben, c'est ça, ouais. Ouais. Ben, ouais, ça. En tout cas, moi, j'ai pris une couple de notes, là. J'étais comme. mais c'est surtout le. Comment il s'appelle le personnage de. Je sais plus c'est quoi le nom du personnage de. De Tarantino, là. Mais tabarde qui était dégueulasse. Ah, il était bien fait. Il avait une face de pervers. Ouais, il avait ouais. Moi, je trouve que de base, il y a une face de ça. Je veux pas être méchant, mais tu sais, quand le monde a dit, ah, des directeurs ont touché du monde, puis tout ça, j'ai fait, ah, oh, Tarantino va être là-dedans. Il a l'air d'un vieux, quoi. Il a l'air d'un pervers. Et finalement, non. Il était. C'est peut-être parce que la première fois que je l'ai vu, c'est dans ce film-là. Ah, ouais. Je me souviens juste que c'était un. Ben oui, mais j'étais jeune quand j'ai vu ce film-là. Mais j'avoue qu'il a pas fait d'autres. Il a-tu fait d'autres films avant ça? Il a peut-être fait des apparitions, mais je suis pas sûr. Mais je sais pas. Faudrait checker, là. Mais je trouve qu'il a l'air d'une phase de pervers. De film, là. Ouais. Mais ouais. Mais justement, si tu l'aimais pas à ce point-là, c'est parce qu'il jouait bien. Ouais, non, film, c'est ça, ouais, ça. Je me disais, il joue bien parce que. Mais moi, je le trouvais intéressant comme personnage, là. Je l'ai pas détesté, là. Ah, moi, je trouvais ça j'ai... bizarre quand il fixait les pieds de la fille, là. Des ouais. Pieds, j'aime pas ça. Moi, je voulais qu'il meure, là. T'as, le premier qui était dans les premiers à mourir, je suis comme, ah, oh, il est mort, c'est correct. Ah non, moi, j'aurais aimé ça qu'il reste en vie. Moi, j'aimais la logique. Ben, le film avait une certaine logique. Je me souvenais de certains bouts que j'avais remarqué quand j'étais jeune. Tu sais, quand j'étais jeune, il y avait sûrement des. Je me souviens qu'il y avait des bouts que j'avais pas compris, comme. Tu sais, quand le gars, il hallucine, que la fille dit, je mange moi la noune. Moi, je pensais que c'était vrai. Moi, je savais pas qu'il hallucinait, genre. Quand j'étais jeune, je catchais pas que c'était dans sa tête. Mais tu sais, j'avais catché que c'était logique. Tu sais, George Clooney, il dit carrément, je crois pas aux vampires, mais on est tous d'accord que ce sont des vampires. Ouais. Tu sais, à partir de. Tu sais, je crois pas à ça. Tout ce qui se passe, c'est pas normal. T'sais, c'est parce que d'habitude, dans les films, c'est genre, ah, oh, des vampires, on va les tuer. T'sais, là, au moins, il fait, bon, mais ben, là, guys, on s'entend que c'est ça. Puis quand ils disent les affaires qu'ils connaissent les vampires, ils disent, on est-tu vraiment en train de parler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît vraiment ce sujet-là ou on se souvient juste des films qu'on a vus? T'sais? Ouais. T'sais, plein d'affaires de même que je trouvais quand même logique. Puis je trouvais qu'il était rapide, il était. T'sais, il se débrouillait rapidement, puis je trouve qu'il était crissement intelligent. Hein. T'sais, quand toutes ces, il disait à l'autre sois cool, agis de même. Puis t'sais, il sait que son frère et tout, il est fucked up. Mais t'sais, plus fucked up que lui, plus... même. Ouais. Mais t'sais, tu vas te croire ton frère fucked up ou le gars que t'sais, faut qu'il fasse sa semblant d'être normal, puis ouais. T'sais, comme la très tôt au début du film. Là, puis t'sais, quand il dit à son frère t'sais, les bouteilles en arrière de lui, j'étais pourquoi qu'il veut t'sais, les bouteilles, puis t'sais. Il pogne un papier de toilette, il donne un coup de pied sur la... Mais c'était évident qu'il allait faire ça quand il a dit de tirer ses bouteilles. Ouais, je sais, mais tu sais, j'étais là, ok, si c'est où qu'il va pogner feu, puis tout, tu sais, il avait déjà tout analysé, tu sais, c'est ça que j'aimais. Ok. Tu sais, il bang tout de suite la rouleau de papier de toilette, après ça, il donne un coup, un petit coup, tu vois, un chose de gaz tombe direct dans ses mains, c'était quand même cool comme move. Puis, ah ouais, let's go, il pitch ça, l'autre il crame, puis le gars, pendant qu'il est en feu, il continue à le tirer dessus. Moi, je trouvais ça cool, c'était crime. Tu sais, d'habitude, le monde brûle, oh, il tombe en terre, mais là, l'autre, tu l'entends agoniser, qui continue de tirer. Ouais, il s'est levé, ouais. C'est toutes des affaires de même. Je dis, oh my god, c'est bien fait. C'est... Mais c'était, tu sais, les maquillages, puis tous les déguisements, puis tout, c'était vraiment bien fait, par exemple, les vampires, là. Bof. Ah ouais. Moi, je trouvais qu'il était quand même bien fait, là. Ben, sauf la première, moi, comme Pascal m'en a parlé hier, tu sais, Moutou, quand j'étais jeune, j'ai fait, c'est-tu un serpent ou une ouais, demande? Quand elle se transforme. Parce que, tu sais, quand elle présente, hein. En anglais, tu sais, le Danny Trejo, dans le fond, qui est quand même un acteur de catégorie B, mais connu quand même, ouais. Tu sais, il dit, alors... Soyez, vous êtes chanceux de voir la déesse de je sais pas trop. C'est la satanique. Tu sais, il dit qu'elle est méchante, là, puis qu'elle vient de l'enfer, la fille. Là. Puis quand elle se transforme, j'ai fait oh crap, c'est vraiment une demande. Mais c'est vrai qu'elle ressemblait pas aux autres vampires, on va dire. Ben hein? C'est ça. D'après moi, c'était vraiment la reine des vampires, genre, quelque chose de même. Là. La mère. Cool. Mais c'était pas vrai quand tu tues la reine que toutes les autres bébés chauves-souris meurent. Ben non. Ben, mais c'est ça, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, même eux-mêmes, ils disaient, bon, ben, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on. Qui a vraiment étudié ça? Tout le monde se regarde, ben, non, tu sais. Bon, ben, tu sais, il faut pas se fier au film, tu sais. En tout cas, moi, c'est. Mais, tu sais, c'était tout réaliste jusqu'à un certain point. Tu sais, comme le noir, je trouve qu'il se transforme rapidement, versus. Le prêtre, que ça prend full de temps. Mais c'est peut-être parce que c'est un prêtre. Ben, c'est ça, Moutou, je me suis dit. Ouais. Mais tu sais, le prêtre, tout d'un coup, il dit « Ah, oh, d'après moi, j'ai à peu près 1 heure. » Je dis « Comment ça, c'est ça? » Les deux autres, ils n'ont pas pris 1 heure. Ben, tu sais, même le Sex Machine, ça a pris plus de temps que... en tout cas, je t'essaie de dire le noir, mais c'est parce que je ne me souviens pas de son nom. Mais lui, c'est ça, lui, il était dans le cou, peut-être c'était plus rapide, puis l'autre, c'était dans le bras, je sais pas. Là. Ouais, ouais, ça se peut, ça se peut, ouais. Ça et tout. Mais tu sais, j'aimais la transformation, tu sais, que quand le gars, il commence à plus comprendre les humains, puis il commence à comprendre les chauves-souris, puis là, puis ses dents, puis ses mains. Puis... Moi, je pense que le bout le mieux fait, là, c'était il coupe la tête de Sex Machine, puis ça, mm-hmm. Il repousse, puis il se transforme. Là, ça, c'était... Ouais. Ouais, c'était vraiment bien fait. C'était bien fait, ce bout-là. Mais je comprends pas pourquoi sa tête a repoussé. Je sais pas, j'ai déjà vu ça dans un autre film et tout. C'est à cause que, tu sais, il a comme quelque chose dans la tête, puis tout. Un bout de bois, je me souviens, me semble, la fille a mis un bout de bois dans. En tout cas, je me souviens plus, là, mais. En tout cas, c'était le seul que sa tête a repoussé, là. C'est juste ouais, mais il y a l'autre zombie et tout, comme mené, le cœur, il continue de battre. Là, quand ils ont planté quoi dans le cœur. Ouais. Fait que, tu sais, des zombies, c'est dans la tête, mais des vampires, souvent, c'est croix, eau bénite, puis le cœur. Un morceau de bois c'est vrai, là. Aiguisé dans le cœur. C'est vrai, l'eau bénite, il lançait des ballons d'eau. Ouais. Je trouve ça drôle. J'aimais qu'il soit méchant, on s'entend que c'est un méchant, mais ouais. Tu sais, on s'attache à lui, puis même la fille, qu'à cause de lui, sa famille est toute morte. Elle dit, je peux, tu sais, t'as-tu besoin de compagnie? Puis le gars, là, tu sais quoi, elle really? Non, tu sais, il vient pas avec moi. Puis moi-même, je savais pas c'était quoi Elry, même si j'avais déjà entendu parler un peu de ça avec les films que j'avais checké de Rodriguez. Puis, tu sais, tantôt, il faut que je fasse une recherche Internet. C'est comme je pensais, c'est une place qui est garantie de sécurité puis de pas se faire pogner par la police. Mais tu sais, il faut qu'il paye justement 30% de ce qu'il a volé pour aller là. Mais tu sais, t'amènes-tu vraiment une fille de 16, 15 ans, 17 ans dans une place que c'est rien que des bandits? Ben oui. T'sais. Moi, je voulais qu'elle y aille avec. Non, c'est une belle fin. Le gars, c'est un trou de cul, mais il est assimate en même temps. Mané, c'est ça qu'il pète son coche à son frère quand il a tué l'otage, quand il a été chercher l'hamburger. Puis il dit, garde, c'est pas le même que je suis. Tu penses-tu vraiment que je suis le même? En même temps, je suis un barbare professionnel, je suis pas un tueur. Puis. Il aurait dû s'y attendre là, que son frère aurait fait ça. C'est un psychopathe, ça fait longtemps qu'il est en prison, puis il a violé des femmes, puis là, il est tout seul avec une femme dans une chambre. C'était évident qu'il allait se passer de quoi, là. Il était. Je pense que son frère n'était pas en prison. Je pense que c'est. Oui, les deux étaient en prison. Il s'est évadé, puis il est allé libérer son frère. Il disait que oui, pour viol, puis je sais plus Oui, quoi. il y avait déjà. Moi, en tout cas, moi, en anglais, il me semble, ce que j'avais compris, c'est que le psychopathe avait été sauver son frère quand il était en cour, puis ils ont réussi à s'échapper parce que son frère allait mettre en prison. Puis l'autre, dans le fond, le psychopathe, il avait déjà été accusé de sex offender, puis peut-être de meurtre, mais je suis pas sûr, mais il me semble qu'il n'était pas en prison. Ah, il me semble que moi, ça, j'avais Mais compris. en tout cas, moi, il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est la prison aussi, mais je suis pas sûr, Les là, non. deux? Ok, c'est bon. Ça se Je peut que les Mais deux, c'est on n'a peut-être pas une raison, on mauvaise sait pas, mais. traduction. Ben, ça se peut. Des fois, ils traduisent en Ben, anglais par je l'ai écouté français. en anglais, sous-titré en anglais, là. C'est Ok, je que. l'écoutais en anglais. Français. Au début, j'étais comme, tu sais, au début, ça commence avec le shérif, puis là, je suis comme, tabac, il a même trop gros accent, là, je vais avoir de la misère, là. Je l'ai mis ce titre en anglais, juste pour Mais être sûr. ce shérif-là, il est dans plein de films de Rodriguez, je Ah ouais? crois, de Tarantino Rodriguez. Ouais, faire je recheck. C'est le seul, puis c'est vraiment le même personnage à chaque fois. Tandis que les autres, c'est jamais le même personnage. Puis il y a même Cheech, de Cheech et Chong, Ah là. oui, Je sais pas si vous connaissez il ça. joue trois personnages, hein? Oui, il joue trois Ouais. personnages. Moi, je l'avais remarqué quand j'étais jeune. J'ai fait, hey, c'est le même gars. J'ai dit, comment ça, le gars des douanes est là? Moi, je pensais que c'était le même. J'avais pas catché quand j'étais jeune que c'est juste l'acteur qui joue trois personnes différentes. J'ai pas remarqué. Ah, il joue le gars à la fin qui va chercher George Clooney. Il joue le gars qui parle dans le micro puis il parle de Noon. Puis Ouais, au il joue début, le ouais. gars aux douanes. Ouais. Ah, oh, ouais. Ouais, c'est ça, je trouvais ça drôle. Au début, il était le deuxième, j'étais pas sûr parce qu'il a mis de la barbe et des cheveux longs. Je pense que c'est le même. Puis l'autre d'après, je crois que okay, c'est encore lui, c'est sûr. Oh, hey, c'est drôle. C'est toutes les affaires même que j'ai dit que j'ai trouvé drôle. Les poupées gonflables au bord. Jamais pas remarqué les poupées Ah ouais, gonflables. quand, pas au bord, je veux dire au dépanneur. Dès qu'il rentre au dépanneur, t'as 3-4 poupées Ah. gonflables accrochées à droite. C'est plein d'affaires de même. Moi, sais, le néon du bord, ça s'appelle le Titty Twister, puis tu vois une main pincer un bout de singe en néon. C'est drôle. Puis T'avais le quel âge quand t'as commentateur au écouté début. ça? Je pense que j'avais 13 ans max. Ouais, c'est limite, on va dire. 12-13 ans max, là. Ah Mais. ouais, c'était drôle, le gars. Ah, venez-vous-en, il y a toutes sortes. En tout cas, en anglais, c'est de. Là, Je le t'offres pas traduis, là, mais tu sais, si. il y a plein de sortes de nouns. Il y en a des poilus, il y en a qui puent, il y en a qui sont tout trempes, il y en a de. Ouais, à ce prix que je trouvais ça drôle. Et ce, hier, quand t'as dit, j'ai demandé, t'as dit, ah, oh, Kim a écouté le film, j'ai demandé si elle avait aimé ça, ben, dit, oh, elle a dit, ah, elle a encore dit que j'ai encore choisi un film de avec plein de Avec des seins. totons, Ouais. Ouais. Il n'a pas tant que ça. Tu sais, il check un. Tu sais, quand t'arrives au bord, il y en a un peu, mais. Il y a quand même pas mal, là, mais. Ouais, mais tu sais, tu vois pas longtemps dans le film. Ah non. C'est pas juste ça, ils mettent pas juste l'emphase là-dessus. Là. Ben, c'est ça. En même temps, le nom du bar, c'est. Tu sais. Ben, c'est ça. J'avais même pas remarqué, moi, avant que Das me dise. De quoi? Le Titty Twister? Ouais, je l'ai vu à la fin, après tu me l'as dit dans le fond, là. Moi, en tout cas, c'était clair quand j'étais jeune, c'est le genre de bar que je voulais aller. Même là, je suis oh my god, c'est donc ben malade comme bar. Tout le monde dit bah. Ah ouais, c'est pour la bagarre, tu veux y aller? Je suis sûre de Pas juste pour ça, là. Mais ça a l'air ça, cool comme place, honnêtement. oui. Dans un film, c'est cool. Là, dans la vraie vie, je sais pas si j'irais, là, mais. Ben, faut que t'aies de l'air tough, là, comme les autres, J'irais pas d'abord. là, tu sais. Toi, Kim, là, qu'est-ce que t'as passé du film, là? Pas trop Ben, compris. la première partie, j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment aimé beaucoup ça. J'avais pas lu par tout le résumé, rien par d'autre. Fait quand je suis arrivée comme au milieu, puis que c'est comme, qu'ils se sont mis à transformer, j'ai fait comme, what the fuck? On dirait que je comprenais plus, là. Mais tu sais, j'aimais ça pareil, mais c'est juste. J'ai trouvé ça un peu bizarre. La fille, au début, je trouvais qu'elle avait l'air un peu retard, là. La jeune, là. Quand elle était au restaurant avec son père, puis qu'elle parle de la façon qu'elle y parlait, mais après ça, tu sais, c'était correct, Tu crois plus en Dieu, hein? Tu crois plus, tu sais, là. calme-toi, il a le droit de plus y croire, là. Mais c'est de la façon qu'elle y parlait, Ouais. là. Tu sais, je trouvais ça un peu. Ben, comme une fille de cet âge-là à son père, tu sais. Je sais pas, à cet âge-là, mon point n'était pas là. Ben, en tout cas, moi, je trouve qu'elle jouait bien son rôle. Comment je pourrais dire ça? Sûrement que, vu que sa mère était plus là, ben, elle disait, c'est moi qui vais jouer le rôle de la mère. Puis là, sûrement qu'elle a le caractère de sa mère. Puis sa mère, ça serait son genre de. Non, T'sais, mais le je parle père a pas l'air un parce peu soumis, là, t'sais, fait que je pense que c'est une. En tout cas, moi, je trouvais que ça fitait bien, là. Mais je parle pas qu'elle faisait de la morale, c'est je parle de la façon qu'elle disait, un peu genre je sais pas, la façon qu'elle parlait, j'avais l'impression qu'elle était un peu déficiente mentalement. Ah, ouais, ok. Un peu. Mais après ça, non, là. Mais je veux dire, au début, j'étais là. Il faut-tu que tu prennes de la mettre un peu de même parce qu'elle va mourir bientôt? Elle est même pas Mais morte non. finalement, tu sais. Mais non. Puis moi, à un moment donné, vu que je savais pas partout c'était quel genre de film, quand on voyait les deux frères, je me demandais si le frère est un plus psychopathe, comme si c'était comme une double personnalité de l'autre gars. Mais finalement, non, là. Mais tu sais, je me suis dit, ça aurait pu, tu sais, je savais pas du tout c'était vers quel film on s'en allait. Puis dans ma tête, l'actrice qui dansait avec le serpent, elle allait être là plus longtemps. Je pensais pas, genre, qu'on la verrait puis qu'elle crèverait. De même là. Et que t'as pas, je Ouais. suis sûr que ben des gars aussi t'es déçu. C'est vrai que Salma Hayek, là, quand elle a tourné cette scène-là, elle avait une phobie des serpents. Ah ouais. Ouais, puis dans le fond, Robert Rodriguez a fait semblant apparemment que si Salma Hayek prenait pas ce rôle-là, ça serait Madonna. Puis elle était en thérapie 2 mois de temps pour enlever sa peur des serpents, pour T'as jouer le rôle. à voulez, hein? Ouais. Ouais. Sinon, j'ai pas mal aimé le film, mais j'ai trouvé ça bizarre, le... Je sais plus quoi gars qui s'appelle, tu sais, le gun à la place du pénis, là. Ah, oh, ça c'est malade, ça. Moi, là, je me dis que le recul, ça doit faire mal, là. C'est comme le gars, le prêtre hein, tiré dans. Il avait comme le zombie, le vampire. Fuck. Il avait mis son shotgun dans son corps, là, Ouais, puis là, ça, j'ai trouvé hot, ce bout-là! Je crois qu'il recherchait, il se pliait, genre, lui. Ben, tu sais, je dis que c'est drôle en même temps, ce film-là. Ouais. Tu sais, c'est quand la fille a dit. En tout cas, je vais essayer de le traduire, parce que je m'en souviens en anglais. En français, c'est quand il réussit à pogner le personnage principal, là, George Clooney, puis elle part dessus, puis elle a le pli dessus, elle a le pied dessus, puis elle dit, tu vas être, je te tuerai pas, je vais te garder humain, tu vas être mon esclave, vu que tu vas être mon animal, je vais t'appeler. Comment Spot. qu'il l'appelle? Spot, Ouais, c'est quelque chose de ça. même, puis il dit, tu vas être mon esclave, puis tu vas faire tout ce que je te dis. Puis il dit, oh non, merci, je suis déjà marié. Puis, ah, moi, j'ai trouvé très drôle ce jour-là. J'ai fait, ah! Puis C'était pareil, c'est George Clooney, il a ce bout-là, c'est lui qui a improvisé ça. Puis ils ont décidé de le garder, dans le fond. Je pense le but au début c'était quand il présente il quand la présentatrice à la TV qui dit qu'ils sont il y a un secrétaire qui est en prison tout le kit là puis là il dit combien de personnes qui étaient mortes là c'est que il faisait comme s'il calculait comme des affaires de sport là c'est comme il y en a comme 5 il y en a 6 puis là, il rajoutait tous les chiffres j'étais Ah, moi, tout, je trouvais ça drôle. comme C'est ça, c'est des petits bouts de même que je trouvais ça drôle. Mais moi, quand il y avait la grosse bagarre avec toutes les vampires et tout ça, j'ai pas trouvé. Les vampires, ils attendaient que le gars tue l'autre avant de sauter dessus. T'sais, ils auraient tous tué les humains s'ils se les auraient attaqués comme du monde, là. Oh, mais c'est un film des années 93 ou 15. Tu sais, c'est pas comme Master, là. C'était dans ce temps-là. Tu sais, comme je te dis, Moi, tu sais, comme tantôt, je l'ai dit, il y a des affaires que c'était hyper logique. Mais comme ce bout-là, je suis d'accord avec toi, c'est pas logique. Même aussi que stratégiquement parlant, quand ils sont enfermés dans la pièce vers la fin, puis qu'il y a un petit couloir qui mène à eux, moi, si on va dire je suis 5 contre 100, c'est clair, je vais profiter de ce petit couloir-là pour pas que les 100 m'attaquent en même temps pour les tuer un par un. T'sais, mais eux autres, ils foncent dans le tas, puis ils se crissent au milieu pour être entourés, tu sais. Ouais, ben, attends, c'est un film de vampire, ça veut pas Oui, ben c'est être. ça, c'est pour ça. Je dis, c'était full logique jusqu'à ce Jusqu'au bout-là. Là. vampire. C'est ça, jusqu'au vampire, là, j'ai fait. Il y a des bouts quand même logiques, mais il y a des bouts, je fais, ouais, c'était peut-être pas la meilleure décision. Puis tu sais qu'à la fin, justement, tu sais, quand le gars va le chercher, puis genre, il fait exploser la porte à coup de shotgun, puis le soleil revole ses vampires, puis ils réussissent à sortir, puis les vampires explosent tout. Puis il frappe le gars, puis il dit « Pourquoi t'as choisi ce bord-là? » Ben là, comme un bord comme un autre. Il dit « T'as-tu été là? » « Non. » « T'as-tu vu c'est quoi qu'il y avait là-dedans? » « Je sais pas, des psychopathes. » Il dit « Des psychopathes, même s'ils sont bien psychopathes, ils explosent pas quand la lumière va tuer. » Ça, j'ai trouvé drôle. J'ai dit « Ah, c'est des junkies qu'il y avait, je sais plus. » En anglais, c'est des psychos. Ok. « They were psychos. » Moi, j'ai ri parce que ce serait mon genre de dire ça. J'étais là « Chris, tu sais, quel genre de personne que le soleil va-tu explose, tu sais. » En tout cas, c'est... En tout cas, moi, j'ai trouvé ça drôle. Tout le long, je riais. Puis... Je trouvais ça nice. Hein. Ben ouais, c'était bon, là, comme film. Là. Mon frère, je l'ai souvent passé le film à mon frère. Lui, mais lui, il trippe sur... tu sais, il a comme 15 ans, mais il a comme découvert, il y a comme 6 mois, des films de Tarantino, puis là, il les écoute en boucle tout le temps. Tu sais, il a même été voir le dernier film au cinéma, là. Puis là... C'est ça, même si c'est pas lui qui l'a dirigé le film, mais je suis sûr qu'il va triper, là, c'est le même style un peu. Là. Ben, il a aidé à Robert, tu sais. Ah ouais, ça. Parce, c'est lui qui a écrit, c'est lui qui avait écrit, je pense, c'est ça? C'est ça, il l'a écrit pour quelqu'un qui avait fait des effets spéciaux pour lui. Puis écoute, il s'est pas fait payer cher pour ce script-là. Là. Je pense que c'est 15 000 ou 1500. Je recheck, là, tantôt, j'avais trouvé ça. Moi, c'était le premier film que je voyais avec Georges Clooney. Ah, oh, ouais? Ouais! Comment ça? J'en ai jamais vu. Ah, ok, je pensais que tu l'aimais juste pas ou je sais pas. C'est le premier script que Tarantino a été payé pour, qui a été payé pour écrire, puis il s'est fait payer 1500$ pour ça. Puis c'est une faveur qu'il devait à Robert Kurtzman, parce qu'il avait donné le ear slicing scene dans Reservoir Dogs. Dans le fond, Robert Kurtzman a fait les effets spéciaux pour le bout que quelqu'un se fait couper une oreille dans une scène de Reservoir Dogs. Fait que Tarantino a écrit un script pour lui. Puis Robert Kurtzman a dit qu'il pouvait pas faire un film présentement parce qu'il était déjà occupé. Puis Tarantino il a demandé à Rodriguez de le faire. Fait qu'on s'entend que c'est une bonne affaire. C'est fucké comme deal, ça. Ben, il commençait, là. C'est au début de Tarantino. Là. Mais j'ai en train de penser, là, c'est le premier film avec, je sais pas, j'ai vu d'autres films avec George Clooney, moi non plus. Là, mais de vrai, eh ben Ocean Eleven. Je pense que j'ai sûrement vu des séquences, ça, il passe à TV, mais j'ai jamais vu ces films. Il y en a comme trois films de ça, je pense. Ouais, ouais. Ben, moi, j'ai trouvé ça bon. Ça doit être, mais je pense que j'aimerais ça aussi. Là. Mais c'est pas vrai, je pense que j'ai vu, c'est le film, c'est drôle parce que c'est Robert Rodriguez, puis il y a plein d'acteurs qui sont dans ce film, le film qu'on vient de voir, puis dans Espion en herbe. C'est le premier. Ben, ouais, c'est il y en a vraiment pas. J'ai genre le. Danny Trejo, ouais, il est là. Cheech. Ouais. De Cheech-Chong. Comment s'appelait la fille qui dansait, là? Salma Hayek. Ouais, elle est dedans, je pense qu'elle est dans le deuxième puis troisième film. Ok. Puis, il me semble qu'il y en avait d'autres. Là. Mais en tout cas, vite comme ça, il y en a genre 3-4. Je ressens. Ben, souvent, les directeurs prennent souvent les mêmes acteurs comme Antonio Banderas. J'ai vu qu'il jouait dans Desperado. Puis c'est Robert Rodriguez qui a fait Desperado. Puis honnêtement, ça avait de l'air bon. Je pense que je ne l'ai jamais vu, le film. Puis, faudrait que je l'écoute. Là. Surtout Espion en herbe, c'est comme pas pantoute le même genre de film. Ouais, c'est pour enfants. Ouais, je pense que j'ai vu un quand j'étais ado. C'est ça, le 1, c'est celui-là qui pousse. Là. Les, comme les méchants, c'est des pouces. Ils ont genre, toutes leurs membres, c'est des pouces. Là. C'est des. Ouais. Okay. Mais ça, c'est comme des mains, genre. Ouais. Mais ça. Je sais pas trop, là, Robert Rodriguez, il a comme fait des films pour enfants, un petit bout, là, puis après ça, il est comme reparti. Je pense qu'il a fait comme SimCity entre là, les Spandermes, on doit faire comme ça, là, ça doit être dans le même temps environ, je sais pas. Mais... Je sais pas. Et SimCity, c'était bon. SimCity, je pense qu'on l'a chez nous, mais il y a eu deux SimCity, c'est ça? Ouais, le 2 est un peu moins bon. Ok. Moi, je ne sais pas écouter. Il y a un mais ce que je me demandais, il m'a mélangé parce qu'il y a un film, c'est pas c'est Spirit. Pas le film avec le cheval, là, mais Spirit. C'était comme en noir et blanc, puis il y avait juste du rouge aussi, il me semble. C'était comme un moment donné, là. Mais okay, ça fait une couple d'années, puis je me mélangeais avec ce film-là. Là. Les deux, je les ai pas vus, mais. Je sais pas si ça me dit quelque chose. Peut-être que je me trompe de nom. Là. Non. Spirit. Mais. Ben non, c'était. Ça pourrait être un autre film à. Un autre film à écouter, ça. On passe tous les Robert Rodriguez, tous les Tarantino à un moment donné. Là, je dis ça, puis je pense que le film, c'est pas sûrement pas ça le nom, parce que t'es Spirit, le film d'animation, là, c'est pas la même chose. Puis, Ito, si vous avez aimé le film, dans le fond, il y avait un 2 puis un 3 qui est sorti, qui n'était pas bien coté sur IMDb, puis tout, c'était pas Robert Rodriguez qui avait participé aux 2 puis aux 3. Mais il a fait la série télé From Dusk Till Dawn, qui s'appelle From Dusk Till Dawn The Series, qui a 3 saisons, puis qui est quand même bien coté. Puis quand je l'ai vu, j'avais trouvé ça, comme à souvenir, j'avais trouvé même meilleur que le film. Oh, ouais. Parce que le film, je trouvais qu'il n'avait pas duré assez longtemps pour connaître tous les personnages, tandis que là, ça explique plus les personnages. C'est comme le film, mais version full long. Puis c'est bien fait. Là. Puis en plus, vu que c'est par Robert Rodriguez, ben tu sais, les 3 saisons expliquent après ça ce qui se passe. Là. Puis moi, je trouvais ça vraiment bon. Là. Moi, j'ai écouté la 2 premières saisons. J'ai pas encore écouté la 3e. Mais c'était vraiment bien. Là. C'était autant violent. Je pense que c'était peut-être un petit peu moins axé sur la comédie, mais c'était autant violent. Là. Mais tu vois plus. Tu comprends plus d'affaires, je trouve. Ils ont rajouté des affaires, puis je trouve que c'est mieux. Mais c'est tout avec les mêmes personnages, ou... C'est pas avec les mêmes acteurs, mais c'est avec les mêmes personnages. Ah, c'est ça, OK. Mais ils sont aussi fuckés. T'sais, ils sont vraiment bien faits, là. T'sais, George Clooney, le gars qui le fait, il le fait bien. Le gars qui fait son frère, il le fait bien et tout. Ouais. Mais je comprends pas pourquoi il voulait juste qu'il y ait des camionneurs dans le bar, si de toute façon, ils bouffaient le monde. Ben, c'est parce que ben Moutou mené, quand il dit de s'en aller, puis tout, je comprenais pas. Puis après ça, il accepte. Je sais pas pourquoi il a accepté, sûrement d'après moi, parce qu'il pensait que sa van était plein de stock. Parce que pendant le film, tu vois, tu sais, quand ils vont chercher ouais, c'est vrai. Le stock, ben, ils disent comment ça qu'il y a plein d'affaires. Ben, il dit, ben, tout le monde qui ont tué, ben, vu qu'il accepte juste des camionneurs puis des bikers, souvent, ça chauffe des Harley, ça vaut cher. Puis des camionneurs, ben, ils ont plein de stock dans leur van. Fait qu'ils volent le stock, puis ils vendent tous les Harley, fait que c'est même qu'ils se font plein d'argent. Là. Ouais, mais ils peuvent quand même bouffer du monde qui n'a pas d'argent. De la bouffe, c'est de la bouffe, non? Ouais, mais t'sais, tant qu'à faire, tu ramasses de l'argent en même temps. T'sais, sûrement que le bar... Écoute, un bar de même, ça a l'air vraiment awesome. Là. C'est clair que ça serait rempli de monde, puis c'est clair qu'il faudrait qu'ils refusent du monde. T'sais, si on va dire les moteurs puis les truckers, ils voient qu'il n'y a jamais de place, ben ils iront pas, fait qu'ils vont faire moins d'argent. Moi, je vois ça comme... Moi, je vois ça de même. Là. Tu refuses le monde qui ne peut pas te rapporter d'argent. Tu fais les deux en même temps. Tu bouffes le monde, puis en plus, tu te fais full de cash. Mais il y a peut-être moins de monde. Il y a peut-être moins aussi, tu sais, quand un biker ou un camionneur disparaît, tu sais, ça peut être peut-être moins qu'une famille, admettons, qui arrête là. Tu sais, moins de recherche, si on veut, là, moins de troubles. Ça se peut tout. Parce que à la fin, tu vois que là, quand il recule la caméra, tu vois que c'est le temple. Puis tu sais, mon côté... Gamer a ressorti parce que quand ils ont sorti, j'ai fait crime. Toutes les vampires sont quasiment morts. Ils ont plus de monde puis ils ont des armes. J'ai dit crime, c'est le temps de looter. C'est le temps de retourner dans le temps. C'était un gros temple. Là, j'étais là, hey man, retourne là-dedans. Puis on va looter. Va chercher le stock. Là, va te faire du cash. Là, ça doit être plein d'affaires qui vaut cher. Là. Là, c'est quand j'aurais retourné armé. Puis s'il y avait eu des vampires, je les aurais retués, puis j'aurais pris plein de stock. T'as déjà tous les camions que tu peux remplir dehors. Chacun part avec un camion plein de stock, puis... Oh, mais ça, c'est peut-être pas une bonne idée. Tu vas peut-être te faire accuser de kidnapping, de meurtre ou de quoi que ce soit, vu que t'as le camion d'une personne morte et disparue. Ben non, ils s'en vont au Mexique, ils s'en vont à quelque part, qui s'appelle Elric, c'est juste du monde, qui sont recherchés par la police, qui sont protégés, tu sais. Ouais, c'est correct, là. En tout cas, moi, c'est mon côté gamer, j'ai fait, c'est le temps de looter. Moi, j'étais pas, check ça, le gros temple que t'as, avec plein d'affaires, plein de cash, c'est clair. Mais en même temps, il venait de réussir à sortir de l'œuvre, il a peut-être pas y retourner non ouais, plus. Ouais, je le sais, mais comme je dis, c'est mon côté gamer, c'est mon côté, c'est le temps de looter. Tout le monde est mort. Toi, si ça existerait une place de même, toi, t'irais, tu sais, un bar de ce Moi, style-là. Ouais. honnêtement, à Sherbrooke, j'allais à un bar qui était quand même pas miteux, mais tu sais, qui était vraiment style bois comme ça, avec des bouteilles. C'est sûr qu'il n'y avait pas, il y avait pas un paquet de pétounes partout, là. Mais tu sais, ça. Tu sais, c'était quand même. Ça avait le style miteux, mais c'était quand même propre en même temps, là. Puis tu sais, les chaises étaient en bois, puis les tables étaient en bois. Tu sais, c'était. Il n'y avait pas nécessairement des bikers en avant. Mais honnêtement, oui, c'est mon genre de bar. Moi, je trouve ça nice. J'aime mieux aller là qu'aller dans une discothèque, que c'est du gros boum-boum. J'aime mieux être assis dans un look tough de même, on va dire. Puis il y a un petit band qui joue, puis peut-être un spectacle de danse en avant. Là. La fille elle reste habillée. T'sais, mais tu sais, une fille avec un serpent, c'est quand même wow, ok, c'est impressionnant. Là. Puis tu peux amener une bouteille, puis tu sais, du monde qui se bat en background, ça nice. Hey, cool, qui se bat, tu sais. Fait qu'il y aurait un bar de même qui ouvrirait à Sherbrooke avec des filles tout nues, puis tout, tu irais. Ben, qu'il y ait des filles tout nues ou non, moi, c'est plus le look, là. Ouais. Tu sais, puis que le gars qui est en avant, puis il dit, hey, venez-vous-en, on a toutes sortes de nounes. Mais tu sais, peut-être pas de nounes, mais tu sais, qui dirait, tu sais, je trouve ça. Moi, je trouvais ça nice, l'ambiance. Ouais. Moi, je sais pas si j'irais, là, mais. Mais tu sais, je dis Mais. ça là, mais tu Oh, ouais. sais, dans vrai, tu sais, Dans pour la vraie vie, ça vrai, n'existe pas, une affaire de même, là. ben, je te dirais qu'il m'est déjà arrivé de quoi, moi. J'étais à Ah, ouais. Montréal avec une de mes amies. On allait à l'Otacuton. Puis, on s'est comme perdu un peu. Puis, on avait faim. Fait que là, on s'était parqué. Puis c'était marqué resto au bar. J'ai dit, oh, on va aller manger là, tu sais. Là, j'arrive pour ouvrir la porte est barrée. Je fais, OK. Puis là, il y a un gars qui arrive en pick-up noir, tout teinté. Il se parque à moitié dans la rue, à moitié sur le bord du trottoir. Il débarque. Il me voit genre comme si je sortais de ce bar-là. Puis il me dit, genre, puis le gars, c'est clair, c'est un motard, là. C'est clair, là. Puis il me regarde, puis il dit, Hey, Johnny, es-tu là? J'ai fait, je sais pas. Puis je suis parti, là. J'étais là, Holy crap! Qu'est-ce que c'est ça, ce bar-là? Puis tu vois qu'il cogne, puis que le gars, genre, fait juste tasser un petit peu le rideau, puis il ouvre la porte, puis le gars rentre. J'ai fait, OK, on va pas manger là. Hey. Fait que, tu sais, sûrement que dans la vraie vie, ça serait ça. Là. Je rentrerais, je ferais, OK, je suis pas à ma place. Puis je m'en irais. Je ferais, c'est vraiment awesome, mais je resterais pas là. Je suis pas. C'était au centre-ville, sûrement, genre. Je sais pas c'était où je sais qu'il y avait un. Le Tacuton, c'est. Attends, mais Sam. Ben, le Tacuton. Ah oh, non, on n'était pas dans le bon coin, là. Moi, Ah, ok. j'étais proche de Mitsubishi. Puis, une place qui vend des chars vraiment chers, là. C'est réputé, là. John Scotty. Il y avait un John Scotty proche qui vendait juste des vieux chars. Fait que je me souviens qu'il y avait une vieille Mustang. Il y avait tous des vieux chars. Puis, j'étais, wow, c'est donc ben hot. Parce que c'est une des raisons pourquoi je voulais arrêter là. J'ai dit, hey, je vais aller voir ça. Puis, tant qu'à ça, on avait faim. Fait que je me souviens que c'était proche de là. Puis après ça, on a fait, nope. Fait quoi? Dès que Kim, toi, t'irais dans un bar comme ça, toi aussi? Non. Enlève les filles tout nus. T'irais-tu dans un bar de même? Non. OK. Il y a plein de gars, monsieur, bizarres. Je serais très mal à l'aise. T'es un gars comme Sex Machine, là, avec un gun, là, comme pénis, ça, non? Moi, personnellement, je trouverais ça malade. Je dirais, si tu as trouvé ça, Tu prends un c'est selfie avec, drôle. genre. Ah! Amazant. Toi, Sico, t'irais-tu dans un bar J'ai pas l'air assez tough pour rentrer là-dedans. de même? T'as juste été avec une fille qui a des gros seins et un gros décolleté, ils vont te laisser rentrer. Ah oui, puis après ça, la fille va rester, puis moi, faire short. Non, mais tu sais, j'aimais tout, tu sais, comme le dude quand il arrive, quand l'autre, il biffe, là, qui met sa main en arrière, puis il dit, je vais compter jusqu'à 3-1, puis l'autre, c'est 2. Tu sais, ça prouve que t'as pas peur, là. Tu sais, quand l'autre, il dit, je vais compter jusqu'à 3, puis toi, tu comptes avec lui, là, ça fait top. De quand tu parles, ça? Quand le gars il dit allez-vous-en, c'est pour juste les truckers puis les motards. Ah, ok. Là, il y a l'autre en arrière qui arrive au personnage principal, puis il met sa main sur son épaule. Puis il dit, je vais compter jusqu'à 3, genre en voulant dire pour qu'il sorte. Puis il compte 1, puis là, tout de suite, George Clooney 2, puis il la regarde en voulant dire, ah oh, ouais, tu veux me sortir? Puis je dis, oh, tu sais, ça va être une bonne bataille. Mais non. Ouais. Moi, en tout cas, si je donnerais une note, premièrement, ça serait. Est-ce que je pense pas que je l'achèterais, mais je suis content de l'avoir écouté. C'était bon. J'ai comme c'était bon. Peut-être que je le réécouterais un moment donné, là. Mais je sais pas, je donnerais un 7. 7,5 sur 10. Je sais pas si. Qu'est-ce que vous donneriez? Moi, peut-être 8,5 là. Ah ouais. Mm-hmm. 8 points, c'est sur les points de moins, c'est sûrement à la fin avec toutes les vampires qui t'es arrivé, là, comme tu as dit. T'avais moins aimé ça. Ben, si j'avais su d'avance que c'est ça qui allait se passer, j'aurais peut-être trouvé ça plus Ah ouais. hot. Ouais. On dirait que c'est comme deux films différents que j'ai comme pas vu la fin du premier, Ben c'est ça, comme j'ai dit tantôt, c'est vrai que ça ressemble. C'est comme s'il y avait. C'est comme on se supplame le même film, là. Mais le début, peut-être le début, je l'ai trouvé long un peu à partir, là. J'étais comme, ça s'en va où, là, cette affaire-là, là? C'est comme. sais, moi, j'aurais aimé ça les voir comme aller braquer une autre place, puis menacer le monde, puis tuer le monde, puis avec le frère fucké, puis tout, tu sais. Ah, oh, je suis bizarre. Ah non. Mais tu sais, c'est comme je disais, ce que j'aime, c'est. T'sais, en plus, quand ils sont en chemin après l'hôtel, le gars il dit. Quoi qu'il dit? Il dit, garde, si tu fais ce que je te dis, vous allez sortir vivant. Il dit, t'as vu comment mon frère regarde ta fille? Il dit, ouais, t'aimes pas ça, hein? Non. Bon, mais regarde, je te promets qu'il va rien y arriver si on se rend au Mexique, puis tout va bien. Il dit, puis après ça, l'autre, le révérend, il dit, bon, ben, OK, mais s'il touche à ma fille, je le tue. L'autre, il a dit, ben, c'est correct. Il dit, si ça marche pas, nous autres, je vous tue tout. Fait que tu sais, c'est quand même cool que le grand frère sait comment le petit frère, il est fucked up. Puis il avertit l'autre en leur disant, check, il n'y a pas juste votre vie qui est en danger. En passant, mon frère, tu sais, tu te fais pas d'idée, il est vraiment de même. Mais fais-moi confiance, je vais m'organiser qu'il fasse rien à ta fille. Puis l'autre qui dit, garde. S'il touche à ma fille, je vais le tuer, ton frère, puis c'est correct, je comprends ça, on va leur dire, c'est bien que. Tu sais, il était quand même fair, le gars, c'est ça que je trouvais. C'est tout ça que je trouvais Mais il réaliste. avait aussi promis à la madame qu'il n'y arriverait rien si elle coopérait. Ouais, mais Que ça là, aussi. il. Ouais, effectivement. Il était la madame à. Elle est morte. Ouais. Ouais, mais il pète sa coche et tout à son frère, là. Ouais. Mais. Imaginez quand il est dans la toilette, là, Ouais, puis ça il m'a commence dit, à ouais. péter une coche, puis il l'assomme d'un coup de Ouais, poing, là. c'était Tu sais? nice. Ça serait. J'étais là, il a bien fait, là. Sinon, il allait se faire découvrir, puis. Garde ta gueule, Puis hein, tu veux pas? t'as la fille qui Tao! Ok! dit merci. Ouais, Ouais! c'est juste, c'est drôle. Tu sais, j'aimais tout que. Quand il va checker que la fille a sa toilette, tu sais, on pensait à tous les détails, tu sais, même. Tu sais, souvent des films vont faire la fille va être assise, puis on dit les shorts sont baissés. Mais là, la fille, tu voyais qu'elle avait même ses bobettes de baissé, on va dire oui, elle est vraiment sa toilette. T'sais. T'sais, là, tu vois que il est full cochon parce qu'il a check full là, en fermant la porte. Là. J'ai pas remarqué. Ah ouais, il check. Il y a cette. Mais t'as même le Ben, douanier, là, qui avait. c'était ça. Là. Moi, je trouve personne. En tout cas, moi, c'est un de mes films préférés. Moi, c'est un bon. Pas 10, là, mais 9,5. Ok. C'est vraiment mon genre de film. Si la série est meilleure que le film, ça te dit que la série, c'est un 10, ça? Ben, à date, là, ben, c'est comme Game of Thrones. Ok, Toi, pas tu as vu Game fini. of Thrones? Elle est pas finie, la Ben, série? moi, j'ai pas fini d'écouter. Ok. Okay, mais Game of Thrones, tu sais, avant, je préférais Walking Dead à Game of Thrones. Puis après ça, avec les saisons qui ont avancé, Walking Dead a descendu, Game of Thrones a monté. Là, que la dernière saison, que tu as scrappé Game of Thrones, quasiment, tu sais, c'est ça. Tu sais, je vais écouter Dusk Till Dawn, la série au complet. Si mené, c'est moins bon, c'est clair, je ne donnerai pas un 10. Là. Mais tu sais, c'est tout le long, je suis ah, wow, parce que je donne un 10. Mais tu sais, pour moi, c'est vraiment un mélange de plein de bonnes affaires. La seule raison pourquoi il n'y a pas 10, c'est le côté réaliste que j'aimais gros, que tout d'un coup, qui dérape un peu. Il aurait pu mettre des vampires, mais encore garder ça un petit peu plus réaliste ou des décisions plus logiques. Mais sinon, à cause de l'humour, l'action, l'horreur, comment que les personnages sont, comment que c'est, on va dire, pas politiquement correct, mais moins la norme que d'habitude. C'est pour ça que j'ai vraiment aimé ça. C'est bon, ça. Le prochain qui choisit un film, c'est, je pense que c'est moi. Oui. Ouais. Ouais. En tout cas, j'ai pensé, je pense reprendre, j'avais parlé la dernière fois, je pense Le Dernier Samouraï. Je pense, je vais prendre ça comme film. Là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Là. Pas sûr qu'il m'a regardé. Quoi, ça, qu'est-ce qu'il y a... Comment il s'appelle ton acteur dedans? Il y a... Tom Cruise. Tom Cruise, ouais. T'as vu sa réaction? Mais c'est dans les bons films de Tom Cruise, c'est sûr. Elle veut même pas regarder Top Gun. Ben là... J'aime pas Tom Cruise. Ben il joue pas les rôles qu'il joue d'habitude dans Messam. J'ai aimé un film de lui. C'était quoi? Je l'ai même réécouté deux autres fois après l'avoir vu une fois. Tabarouette. C'était quoi donc? Je sais plus, mais c'est des boucles temporelles, puis un des extraterrestres qui envahit la Terre. Ouais. Ça me dit quelque chose, ça. C'est ça, je pensais. Ça, je l'avais trouvé bon. C'est le film que quand il meurt, vu qu'il a reçu du sang, je pense, de extraterrestres, il revient tout le temps à vie. Fait que c'est même qui cache comment ça, les extraterrestres, ils ont le dessus sur nous autres, parce qu'ils peuvent voir dans le futur, dans le fond. Ah oui, c'est vrai que ça me dit quelque chose, ça. C'est, il est pas si vieux que ça. Il est quand même récent. Non, c'est okay. Non, il... Tu vas-tu écouter Dernier Samouraï? Ben, si c'est ça le film, je vais être obligé, là. Okay. Alors, faut le donner de mauvaise code, j'espère que c'est lui. Peut-être ça va être son film préféré de Tom Cruise, on sait pas, là. Oui, bah... Oui. Oui. Il y a une chance sur deux, toi. Ouais, je pense ça va... Au pire, attends, je peux regarder si j'ai d'autres choses. Mais non, si tu veux ça, tu mets ça. Au pire, je vais chialer tout le long, hein. C'est pas grave. j'ai regardé un film Catane de filles de Noël, puis... On a perdu le podcast de ça. Enfin, j'ai quasiment ah, c'est pour ça. Rien. Il n'y a, okay? a pas... Ben oui, pour rien. Pas pour rien, là, mais... Hein? As-tu des preuves que tu l'as écouté, cette film-là? Ben ouais, on en a parlé. Non? Ben non, il n'y a aucun enregistrement. T'as jamais vu ça? Ah, rien. Il n'y a aucune preuve, à part Sico qui parle tout seul avec ses deux autres personnalités. Là. Ouais, c'est ça. Aucune preuve. C'est vraiment bizarre de l'écouter. Là. Je très envie un bout. Là. Il y a comme juste des gros blancs. Puis là, l'affaire, c'est que comme je parle tout seul, on entend juste comme moi, puis le fond. Genre, des fois, je joue avec un crayon, en fait, non, puis j'entends plus un bout. Ok. Mais au pire, tu peux nous l'envoyer, puis je vais essayer de me souvenir ce que j'ai dit. Oh boy. On va essayer de doubler. Vous pourriez dire genre n'importe quoi, ça pourrait faire. Ça pourrait être drôle. Ah non, mais ça dure 1 heure l'affaire, ça veut dire que ça peut. Tu sais, je sais pas, moi, je pourrais dire des niaiseries. Hein. Toi, Kim, tu as-tu une idée, comment c'est une idée de quel film tu voudrais. Tu penserais. Ben, moi, il y en a deux, là. Il y a le film avec les fantômes, là. Ouais. Puis il y a L'île coupe-gorge aussi. C'est un vieux film de pirates. Les coupes-gorges, ça me dit rien. L'île. Ah, l'île. Ça me dit rien non plus. Ben, plutôt, ça me dit rien parce qu'avant, je vois le cover du film. J'ai fait ah oui, j'ai déjà vu ça quand j'étais jeune dans la cassette. Mais je m'en souviens pas de l'avoir. Au début, elle se capte la tête de son père qui est mort pour avoir la carte qui est tatouée dessus. Arrête de spoiler. C'est le début. Cutthroat Island. Ah. Ça me. Attends, peut-être que je vais voir aussi une pochette. Là. Hey, c'est vrai, j'en ai déjà entendu parler de ce film-là. Ah, tu vois, tout doux, hein, tu regardes la pochette. Tu l'as vu? Ben, ça me dit que des fois, le soir, là, quand je dors pas, je me promenais sur Wikipédia. Là, puis, j'étais tombé sur ce film. Je pense que j'étais tombé sur ce film-là, puisque c'est le film. Genre, un film qui rapporte. Qui est le plus gros box-office bomb, là. que j'avais eu. Encore que ça a coûté comme 98 millions à faire, là, je suis sur Wikipédia, puis ils ont reçu 10 millions. Et crime, ça n'a pas poigné. Non, mais ça veut pas dire que c'est, ça peut être bon. Là. Ouais. Moi, je l'ai écouté souvent. Là. Mais c'est pas Waterworld la plus grosse bombe? Je... Il me semble que ça a coûté 300 millions puis ils n'ont pas fait tant d'argent. Ben, je pense que ça doit être avec ça. Attends, Waterworld. Quand je l'ai vu, puis Waterworld, c'était pas si pire, ça. J'ai quand même, c'était pas mauvais, je trouve. On voit que c'était comme Mad Max sur l'eau, là. J'étais... Ah, moi, c'est Kakibo, c'est dégueulasse. Je me suis juste T'sais, ce Waterworld, c'est 172 à 175 millions, puis ça a rapporté 264. Oh! Ben, crime, ça va aussi faire de l'argent, bon. J'ai l'impression que le 260, mais ils ont quand même pas rentré, parce que souvent, le budget, ça inclut, c'est rare que ça inclut la publicité, puis tout, puis des fois, la publicité, c'est quasiment le prix du film, là. C'est que... Okay. Je sais pas, mais... Box-office, hein? Ben souvent la plus grosse charge d'une entreprise, c'est les salaires là, aussi. Là. Ouais. Ils disent que ça a regagné pas mal son argent tant il est sorti en cassette là. Ben ouais. Ah mais tu peux. Mais ça a l'air pas pire les deux films là. On va réfléchir. Ouais, c'est ouais, je pense qu'on a. Mais ça va sûrement être les fantômes en premier. Ah, oh, ouais, parce que Moutou, je me souviens qu'il était super bon ce film-là. Ouais, il était bon, ça je l'ai écouté souvent, ce film-là. Il y en a beaucoup de films que j'ai écouté souvent. Et moi, quand j'aime de quoi. Mais t'écoutes souvent des nouveaux films ou. C'est pas, tu réécoutes pas mal la plupart du temps, t'écoutes des films que t'aimes déjà ou que t'as déjà vus? Ouais, j'écoute des nouveaux films. Quand, quand John Wick 3 est sorti, okay. Je me suis acheté. Je l'ai trouvé bien bon. Là, j'ai deux aussi, mais il me manque le 1, il faut que je me trouve le 1. Je l'ai déjà vu, là, mais je l'ai pas. Oh, non, en plus, il parle russe dedans. Je t'aime pas une rire. Souvent, il vient qu'à checker sur Amazon, il va tomber à 5-6 piastres. Ouais, il est pas cher, je pense. Hein. Bon, des gros films connus qui pognent gros. Là. À part tout ce qui est Marvel ouais. Le restant, ils descendent. Ouais, c'est vrai, les Marvel. Ils descendent pas, les chroniques. Les seuls, tu sais, t'as les Spider-Man qui baissent, mais c'est parce que c'est Sony, c'est-à-dire qu'il y a... Ouais. T'avais les X-Men, là, les X-Men, ils ont été achetés par... Ouais, ça, ils ont baissé. Ils ont été achetés par Disney, là. Ouais. Ben, c'était Fox qu'ils avaient, puis Disney a acheté ouais, Fox. Ça. Disney achète tout le monde. Ouais, ça fait un peu peur, mais dis coudonc. Mais ils ont pas le droit d'avoir le monopole... Non, ben c'est ça, c'est Mané, quelqu'un qui en parlait, là, que, il y a une loi pour ça. Oui, il y a une loi. Je me souviens que quand j'étais jeune, Bill Gates, il a fallu qu'il sépare une partie de Microsoft ou qu'il en vende parce qu'il y avait trop le monopole de ce qui est ordinateur, me semble. En tout cas, de Microsoft, là. Microsoft avait trop d'affaires. Fait qu'il était rendu, il a dépassé le pourcentage accordé, genre. Mais c'est... L'affaire, c'est qu'ils ont, s'ils ont pas un monopole, ils sont proches en maudit, s'ils l'ont pas... moi, je pensais que je trouvais déjà qu'il y avait limite monopole déjà, là, Disney, là. C'est quoi, s'il faut une concurrence? Non, ils ont pas le droit de tout avoir. Sinon, ils peuvent mettre les prix qu'ils veulent, puis ça marche pas. Si tu checkes, là, quand j'avais checké, à un moment donné, c'est comme les 10 films qui ont rapporté plus d'argent dans le monde. T'as Avengers, ça, c'est Disney. Avatar, ça, ça appartient à Disney maintenant. Titanic... Ça appartient à Disney maintenant. Star Wars, c'est Disney. Avenger. Jurassic World. Jurassic World. Oh, ouais. Il est sixième. Ah, ouais. Il était bon, mais je pensais pas qu'il aurait été là-dedans. J'ai même pas été voir. 1,6 milliard, ça a gâté. Moi, mes gars l'ont écouté souvent. Moi, plus jeune surtout, là. Ben, quand t'es kid, comme c'est dinosaure. Ouais. Lui, ses préférés, c'est les carnivores. Moi, c'est sûr. les raptors, ils les aiment beaucoup. Ah ouais. Ouais, les raptors, c'est ton préféré. Après, c'est le T-Rex. Mais ça, tu as Jurassic World, ça, c'est c'est pas Disney. Le Roi Lion, le remake, c'est 7e. J'ai pas vu le nouveau Roi Lion. J'ai pas vu, mon nom. Moi non plus. Il m'intéresse plus ou moins. Je dis, tant qu'à être, je vais écouter sur l'art de dessin animé. Là. Hakuna Matata. Ah. L'autre Avenger, Rapide et Dangereux 7. Puis le dixième, c'est Avengers. En gros. Moi, j'ai beau de les rappeler dangereux parce que mes personnages préférés sont morts. Il est mort dans la vraie vie ou mort dans le film? Dans le film. Okay. Il y a qu'un que l'autre. Ben, le gars, le chinois pis sa blonde, il était full cute. Il meurt quand? Il meurt après qu'elle soit morte. Ouais, je suis pas contente. Je l'aimais full, son personnage. Ouais, pas dans la vraie vie. Non, mais dans le nouveau, dans le plus récent film, je m'en souviens. Non, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu le plus récent. J'ai pas vu les plus récents. J'ai un piscin. C'est le 5, je pense. 6, 5, 6. Ça, moi, je les ai pas mal tous vus. C'est juste Hobbs and Shaw que j'ai pas vu. C'est comme un hors-série, ça, là. Ouais. C'est sûr, des fois, c'est poussé, là, mais c'est pas grave. Je trouve ça quand même nice. Je mets mon cerveau à off, puis j'apprécie l'action. T'sais, faut pas que je me mette à analyser si tu réalises. Ben, c'est comme... Dans ce film-là, c'est le temps de faire ça. C'est comme les Avengers ou Star Wars, si tu réalises, c'est comme... Ben oui. Ben, Iron Man, ça me surprendrait pas. Comme mener ça existe un sou de même. Ah, ouais. peut-être pas au point comme dernier, là, genre avec la nanotechnologie que tout d'un coup, son sou qui est là, là, mais plus comme dans le 1. Là, faut qu'il embarque dedans, puis ça se ferme, puis que... Il est capable aussi de faire d'énergie avec ses. Pas avec son cœur, mais tu sais, avec quelque chose que tu peux voler avec tes pieds et tes mains. Ça doit être dur en esti à voler, là, sérieux. Là. Mais je serais pas surpris que ça existe à un moment donné. Ça serait la seule affaire, je pense, qui est réaliste. Là. C'est la NASA qui va y faire. Ouais, je pense, le film préféré dans les Marvel, je pense que c'est le premier Iron Man. Les Gardiens de la Galaxie. C'est tant trippé. J'ai aimé les Guardians, mais j'ai pas tant trippé. Moi, c'est Doctor Strange. Moi, Doctor Strange, là, j'ai trippé de quoi. Je pense que je l'aimerais, celui-là. Je l'ai pas vu. Hein, mais... Tu l'as pas vu? Moi, je l'ai fait écouter à tout le monde. Toutes mes sœurs, là, je l'aurais fait écouter. Moi, depuis le premier Ant-Man, là, j'ai comme décroché là, des Marvel. J'ai pas vu Ant-Man. À part Gardien Galaxy 2 que j'ai écouté après le premier Ant-Man. Ant-Man, je suis comme. Je trouve pas ça bon. Je sais comme voyons donc. Ah, moi, je l'ai aimé, mais c'est parce que l'acteur, il a joué dans Friends. Oh my God. Là, tu pensais toujours au personnage dans Friends. La dernière saison, ben oui. C'est Friends, moi, c'est tard. Moi, c'est tard. J'aime le. Tu sais, j'aimerais ça être tard. T'es full grand, t'es blond, t'es un dieu. Merde. Le marteau, il est awesome, là. C'est genre, oh, ouais, tu colles ton marteau, puis il revient à toi, puis il n'y a personne d'autre qui peut le lever. Moi, je trouve pas ça awesome. Le 1 m'a tellement déçu, c'est rien qu'une esprit de grosse histoire d'amour, là. J'ai hâte d'un bon film d'action avec Thor. C'est même le 3e, Ragnarok, là. C'est ton préféré, mais tu les as pas tant aimé, fait que c'est pas tant logique. Non, mais c'est le caractère que j'aime, c'est le personnage. Ouais, mais on parle des films. Des films, c'est cool. Deadpool number one. Ah, Deadpool, il compte là-dedans? Ben, c'est un super-héros. C'est vrai que Deadpool, il était bon. Deadpool, j'ai adoré. Wolverine, j'adore le personnage de Wolverine et tout. Mais Deadpool. Non. Ben, Deadpool et Doctor Strange, moi, sont pas mal proches. Il y a Deadpool. Genre qu'il y a 3. Ouais. Il va en avoir un 3. Oh, ouais. Ok. Il va avoir un 3, j'avais pas. Mais il va sûrement. Oui. Ah, ok, je sais pas. Si on sort pas un 3, là. Je riot. Tu sors dans les rues, pis. Ouais. Tu vas les manifester. Oui. Ils sont mieux de la faire encore du temps plus. Ben, j'avoue que maintenant, est-ce que ça appartient-tu à Disney aussi, là? Je pense que oui, mais je suis pas sûr. Mais je pense que c'est Ryan Reynolds qui avait gros des droits là-dessus. Parce que c'est lui quand même qui a poussé pour que le film de Deadpool arrive. Puis que je pense qu'il a même payé pour le premier. Puis ah, ouais. Aux deux, ils ont vu comment ça a pogné. Fait que, il a battu tout le monde. Là. Il a battu les Avengers et tout. Là, me semble. Il a-tu battu les Avengers d'un côté profit, le premier Avengers? La première semaine, il me semble qu'il avait battu tous les films de super-héros cette année-là, me semble. Je sais que c'est le film du temps et plus qui a rapporté le plus d'argent. Incluant les pornos? Oui. Ça fait partie. Au cinéma, je parle. Moi, okay. je pense que les pornos, au prix que ça coûte à faire, puis qu'est-ce qu'ils gagnent, c'est, je pense que c'est ça, c'est plus ça. ça doit pas coûter grand-chose, le porno, je sais pas. Là. Ben, je sais pas, ça doit pas être payant. Je sais pas, pour vrai. Ça encore. Je sais pas, moi, les derniers clubs vidéo que j'ai été, ben, il y avait encore une section, ils liquidaient le stock. Ah, j'ai acheté beaucoup de films. Non, juste rentré pour voir que ça avait de l'air. Juste rentré pour voir que ça avait de l'air, mais j'étais comme, j'ai pas le goût de toucher au boîtier, là. Ça... Oh non, c'est collant. T'imagines te croiser dans un club vidéo qui sort des. C'est toujours des portes genre style Western Cowboy, ouais. Là. Qu'est-ce que tu fais là, Sco? Je me suis trompé de place. Je vais juste voir quoi ça avait de l'air. Ouais, c'est ça. Mais ça doit tellement être malaisant quand les gens qui louaient ça. Faut quand même que t'ailles à la caisse, pis le gars il voit le film, fait comme. Tu sais, faut quand. Pis tu vois sa face, fait comme. Faut qu'il loue ça, là, tu sais, pis il te l'ordonne, là. Ouais, mais c'est toi qui as payé. Moi, j'ai déjà travaillé dans un hôtel de nuit, hein. Ouais. Il y en a gros qui sont tellement gênés de faire ça chez eux, qu'ils vont louer une chambre d'hôtel, pis ils t'appellent. Pour que tu fasses jouer un film. Fait que là, faut que tu le charges dans son compte pour qu'il sorte. Puis il y en a des fois qui venaient juste faire ça, là. Puis il me donnait un bon tip pour que je me ferme la boîte, là. C'est ah, ben, merci, bye. OK, merci. Je pense que c'est les femmes qui ont le gros bout de bâton. Ils ont peur de qu'il les pogne. C'est clair, là. Fait que tu sais, imagine que... Tu sais, toi, on va dire que tu travailles dans un club vidéo, tu envoies plein de monde passer. Moi, de nuit, j'en vois pas tant, là. Puis en plus, j'ai l'adresse du gars, j'ai tout. Puis, il rentre pour faire ça, puis il ressort pas longtemps après. C'est pas comme si j'ai vu plein de monde, là. Tu sais? Oh, yeah. Ouais, fait que ça, d'après moi, c'est peu. Au moins, c'est pas toi qui nettoyais la chambre. Et Chris, non. Ah, mais c'est payant de faire par ma boîte, là, coûte 20$, là. Ah. Ah, oh, t'as un vlog 20$. Ouais, mais ça coûte juste 4$, monsieur. Ah, oh, c'est pas grave, ça bail. Ah, ben merci. Il faut qu'il loue la chambre en plus. Oh, ouais, en plus, oh, ouais. Ça, il payait. Le plus drôle, c'est quand tu reconnais le monde. Oh! Ils reviennent. Ah, oh, ça, c'était drôle. Parce que moi, voici que je travaillais dans un hôtel de nuit, je n'aimerais pas la place. Mais tu sais, j'étais quand même loin de où c'est que je venais. J'étais quand même à peu près à 45 minutes, 1 heure de route. Fait qu'à un moment donné, j'ai tombé sur quelqu'un que je connaissais, puis que je savais qu'il y avait une femme, puis des enfants. Puis il est arrivé là, puis pas longtemps après, il y a une amie, en parenthèse, qui est arrivée. Ah, une escorte. Fait que, tu sais, elle, écoute, lui m'a donné un méchant. J'espère bon qu'elle l'a plaqué, son chum, là, ça compte. Lui, en tout cas, il m'a donné de l'argent. Lui, là, c'était genre, lui, je pense que je me suis fait au moins 50$ facile pour... Ah, ben, écoute, donc, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, je t'ai pas vu, écoute-toi pas. Ah oui. Ça, je trouvais ça nice. Non. Oui. Moi, je suis achetable. Tu me payes pour me faire de la boîte. Oh, qu'est-ce que. Kid, mais arrête, attends. Je prends l'argent, mais je vais aller le dire. Là. C'est cliqué. Non, c'est je vrai. Prendrai pas l'argent. Ah oh, non, ok. Non. Tu m'as fâché. Moi, je pense qu'on va arrêter le podcast là. Là. on est comme vraiment parti à une affaire plus rapport. Là. Ça sent de même. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais à tout le monde d'avoir écouté ce troisième épisode parce que. Non, le quatrième, c'est vrai. Le troisième a disparu. Quatrième épisode du Ciné Club. Parce que c'est moi qui l'ai choisi, fait qu'il a disparu. Non, j'étais quand même en maudit, là, quand il était pas là, là, j'étais comme sacrement, là. J'étais sûr qu'il y avait un problème avec mon logiciel, là, j'étais comme, ok, ça, il y a ma voix, j'ai comme trois bandes, comme une bande de son, quand j'enregistre, c'est tout nous, le premier, c'est juste ma voix, puis le deuxième, c'est le son de l'ordinateur, genre vos deux voix, puis là, j'étais comme, j'entendais juste ma voix, celui-là qu'on n'a pas d'entendre tout le monde, il y avait juste ma voix, puis ma voix tout seul, puis l'autre, il n'y avait rien. Je sais pas si c'était parce que c'était sur mute, là, mais. Donc, j'étais embaudi. J'étais en train de faire comme pas le montage, mais j'étais en train de faire comme l'image qui allait aller avec le podcast, puis là, j'étais comme. Et voilà. Dans le fond, Sco nous a censuré, puis il s'est rendu compte qu'on faisait rien que sacré tout le long. C'était rien que des affaires vulgaires. Fait que, finalement, je les entends plus. Ouais, je pense que c'est plus vulgaire, celui-là qu'on vient de faire là, comme podcast. Ah, j'avoue. Mais ouais. Bon, merci à tout le monde d'avoir écouté ce 4e épisode du Cinéclub de mortdujeu.com. On va se revoir la prochaine fois sur probablement un film que Kim n'aimera pas. C'est à plus et à la prochaine.